Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Je suis le bouillant Achille, entend-on dans l'opéra d'Offenbach, La Belle Hélène, composée en 1864, soit près de 2700 ans après l'écriture de l'Iliade, elle composée près de 8 siècles avant Jésus-Christ. Comment cette œuvre a-t-elle pu traverser les siècles et les formats, récits, romans, films, chansons et opéras, tout en maintenant intact le mystère de son origine? Que nous raconte l'Iliade avant l'Odyssée et avant la naissance de la philosophie? Et si du récit de ce chaos sanglant était né rien de moins que l'histoire de la philosophie? Allez, on commence avec un péplum et de l'opéra. La situation privilégiée de la ville de Troie, telle qu'elle existait il y a 30 siècles, la désignait tout particulièrement pour devenir la plus grande cité de l'Antiquité. Elle dominait en effet l'Hellespont. Nul ne pouvait venir d'Orient ou y partir sans passer par cette route maritime. Pour cette raison, la prospérité de Troie était grandissante. Mais toute médaille a son revers. Et la Grèce entière regardait avec envie s'accroître la richesse de son trop florissant voisin. Je suis le bouillant d'Achille, bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant d'Achille, bouillant d'Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. Le grand Myrmidon. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Bonjour Heinz Wissmann. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous écoutez Offenbach? Bien sûr. Je suis même allé à Mogador pour voir il y a des dizaines d'années déjà. Mais on est à des années-lumière de la violence du texte de l'Iliade. Oui, absolument. Ça, c'est la bourgeoisie française qui est raillée dans cette opérette. En fait, ce n'est pas un opéra, c'est une opérette. Vous avez raison. Et alors, comment explique-t-on que de ce texte précédant l'Antiquité, ce texte si lointain, sont nées autant d'interprétations différentes, dans des tonalités différentes? On a entendu un extrait du péplum de Robert Wise qui date de 1956. Il y a la version plus contemporaine de Troie, produite par Hollywood. Comment explique-t-on une telle résistance de ce texte à travers les siècles sous des formats qui dénaturent en fait le texte lui-même? C'est bien qu'il y a quelque chose qui nous parle encore. Enfin, je pense que l'Iliade est une totalité. C'est une œuvre. Et ce qui fait sa force, c'est qu'elle intègre des éléments les plus hétérogènes pour en faire quelque chose qui dépasse le détail. Dans les détails se reflète le tout, et ce qui compte, à mon avis, c'est la puissance de cette totalisation. Et c'est elle qui fait concurrence à l'autre totalisation, qui est la philosophie. En réalité, entre l'Iliade et la philosophie, il n'y a pas un lien, disons, généalogique, comme si l'Iliade, précédant la philosophie, en était un stade encore inachevé. C'est tout à fait le contraire. La philosophie et l'Iliade s'appuient sur un fond commun qui est la mythologie. Alors, la mythologie représente la première mise en ordre logique, d'où mythologie, du foisonnement des narrations mythiques. Et donc cette mise en ordre donne chez les philosophes le système, et donne dans la poésie homérique ce tumulte extraordinaire qu'il s'agit de maîtriser par une totalisation poétique. Mais qu'est-ce que vous appelez la philosophie? C'est simplement l'affirmation que tout est un. Et qu'à partir de cette affirmation... C'est une certaine philosophie. Non, mais la première philosophie grecque, c'est tout est un. C'est, tout est haut, tout est air, ensuite ça va être tout est être ou étant. C'est-à-dire... La première philosophie, c'est une sorte de coup de force. Nietzsche appelle ça le credo métaphysique. C'est un coup de force qui impose la déduction de la totalité du divers, c'est-à-dire du multiple, à partir de l'un. D'où la contrainte du système. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des contradictions à l'intérieur d'un ensemble qui découle de l'un. Parce que l'Inde, appelé arché en grec, veut dire à la fois commencement et commandement. L'un commande la philosophie. Très tôt dans la philosophie, s'insurge des penseurs contre cela. Dieu sait que j'en ai parlé dans ma vous vie. Vous êtes venu en plus en parler à ce micro. Démocrite, etc. Mais c'est pas notre sujet. La philosophie commence par l'affirmation de l'un. Et elle est d'une certaine manière aux antipodes de ce que Homère fait dans l'Iliade. Et le dénominateur commun, c'est la mythologie. Et c'est pour ça qu'il faut que j'explique ce qu'est la mythologie. Parce que les narrations mythiques, qui sont multiples, ont pour but chacune de trouver un lien de causalité entre un événement et la puissance qui l'a produit. Cette puissance peut être cosmique, divine, en général, elle a un nom. Et toute l'imaginaire des mythes consiste à trouver des noms à ces causes, des événements qui intriguent, puisque ces événements ne se sont pas produits sans cause. Même les événements psychiques, c'est la colère, la tristesse, etc., qu'on observe comme quelque chose qui nous surprend, ce qui nous envahit, eh bien, on l'attribue à l'action divine, sauf qu'on ne connaît pas le nom de ces dieux qui régissent la vie psychique. On les appelle les démons, daimones, c'est-à-dire des dieux sans nom. Chez Héraclite, on lit cette phrase extraordinaire, le caractère de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il devient dans son existence, eh bien, c'est son daimon. On a souvent interprété que c'était quelque chose qui avait à voir avec une emprise du démon sur son destin, mais c'est pas le démon au sens chrétien, pas du tout, c'est pas le diable. Non, c'est un dieu dont on ignore le nom. Or, cet ensemble de tentatives d'assigner des causes à des événements, eh bien, comporte plein de contradictions. Et la mythologie a pour but de mettre de l'ordre là-dedans, de réunir les chaînes causales et de remonter de plus en plus haut vers des causes premières. Donc, si je vous suis, le mythe est une manière... Enfin, les mythes construisent des sortes de chaînes causales. Voilà. Pour relier des éléments divers. Mais toujours locales. Il n'y a pas de cause, donc on produit un mythe. Et la mythologie, elle, rassemble ces différents mythes en une unité. Oui, en remontant vers des causes des causes. C'est ça, le travail mythologique. On cherche peu à peu des causes premières. Et le hasard heureux veut que nous avons la première grande mythologie élaborée. En l'espèce, c'est la théogonie d'Hésiode. Et on découvre que dans la mythologie, et ça vaut pour toutes les civilisations, les causes premières sont toujours deux, antagonistes. Il n'y a pas l'un des philosophes. La mythologie se distingue comme pensée puissante de la philosophie parce qu'elle s'arrête à l'opposition, au binôme cher à Lévi-Strauss, au binôme fondateur à partir duquel on peut classer les puissances divines inférieures. Et dans le cas de la théogonie d'Hésiode, et on va retrouver tout ça dans l'Iliade, mais bousculé, renversé, mis en contradiction, c'est comme si Homère, qui est antérieur à Hésiode, avait lu Hésiode. Oui. C'est qu'il y a eu de l'Hésiode mythologique avant lui. Hésiode est déjà une synthèse particulièrement maîtrisée. Or, le point intéressant, c'est que les deux puissances qui s'opposent représentent l'une le même, c'est ciel, et l'autre, ou l'altérité, c'est terre. Et donc, au début de la théogonie, ciel tient terre dans ses bras et ne lui laisse absolument aucun espace pour libérer les naissances qu'elle a conçues en son sein. La terre est toujours le retrait de la grotte, de la matrice, quelque chose de négatif. Et donc, ciel empêche les naissances de se produire, parce qu'il ne laisse pas l'espace. Son étreinte est tellement violente. Eh bien, on connaît l'histoire, terre va armer le plus âgé de ses fils, Cronos, d'une serpe, puisqu'elle dispose des métaux dans ses entrailles. Et elle va charger Cronos de châtrer le père, et donc, en hurlant, ciel s'écarte de la terre et ouvre l'espace dans lequel vont s'engouffrer les générations divines. Or, dans le premier texte que nous avons retenu, qu'on va entendre dans un instant, je l'annonce parce que sinon on l'entend pas. Ah oui, oui, Zeus, mais c'est Homère qui s'amuse. Zeus dit aux autres dieux à qui il interdit de participer à la bataille, et si vous voulez vous opposer à moi, vous pouvez toujours prendre une chaîne et essayer de tirer dessus pour que le ciel revienne sur la terre. Eh bien, c'est plutôt moi qui, avec cette chaîne, je peux soulever la terre pour qu'elle rejoigne le ciel. Or, ce mouvement est l'annulation de la séparation primitive dans laquelle la mythologie a aménagé l'espace pour le multiple, pour la diversité. Donc, Homère se situe avant la mythologie? Ou alors est non, contemporain? Il se sert de la mythologie. Il est évident que la mythologie existe déjà. La philosophie, non. Voilà, mais la mythologie. Et il fait autre chose de la mythologie que la philosophie. Parce que la philosophie va affirmer l'un, et donc systématiser à partir de l'un le divers, tandis que la mythologie s'arrête à un dualisme originel. Et là, vous pouvez aller d'une civilisation à l'autre. Les hautes civilisations sont toutes marquées par une mythologie et donc un dualisme. Alors, on va écouter le texte, hein, l'extrait du chant 8, du premier au vers 29 du chant 8, lu par Georges Clès, où Zeus qui va, tente d'arrêter l'ardeur des autres dieux, de rassembler tout le monde autour de son pouvoir. Est-ce que ce faisant, il anticipe ce que la philosophie dira? Est-ce la tentative pour, de la part de Zeus d'unifier le divers qu'il y a devant lui? Écoutons le texte et puis vous nous direz, Hans Wiesmann. L'aurore au manteau de safran se répandit sur toute la terre. Et Zeus fit l'assemblée des dieux, lui qui se plaît à la foudre, sur la cime la plus extrême de l'Olympe au nombre doux. Il leur parlait, tandis qu'écoutaient tous les dieux. Entendez-moi, tous les dieux et toutes les déesses, pour que je dise ce que l'ardeur me commande dans la poitrine. Qu'aucun dieu féminin, qu'aucun mâle n'essaie de mettre en pièce ma parole. Mais ensemble, tous, approuvez pour qu'au plus vite je mène ces actes à leur fin. Celui que je surprendrai à vouloir, loin des dieux, aller au secours ou des Troyens ou des Danaïens, frappé, il ne viendra pas en dignité dans l'Olympe. Je le prendrai, le jetterai dans le Tartare vaporeux, très loin, là où sous la terre est le gouffre le plus profond, là sont les portes de fer et le seuil de bronze, aussi loin sous l'Hadès que le ciel est éloigné de la terre. Vous saurez par là combien je suis le plus fort de tous les dieux. Et s'il vous prend d'essayer, Dieu, sachez-le tous. Si vous suspendez au ciel une chaîne d'or et y attachez vous tous les dieux et toutes les déesses, vous ne pourriez pas tirer du ciel vers le sol Zeus, le dirigeant très haut, même à grande peine. Mais quand moi, dans l'élan de mon cœur, je voudrais tirer, je tirerais la terre entière et la mer entière. Puis, cette chaîne, autour d'un promontoire de l'Olympe, je l'attacherais. Et toutes ces choses deviendrait météore, tant je suis supérieur aux dieux et supérieur aux hommes. » Il dit cela, et eux tous étaient figés en silence, stupéfaits par ces mots, car il avait parlé puissamment. C'est sur France Culture que s'abat la colère de Zeus et que vous tremblez, chers auditeurs. Ce matin, nous parlons de l'Iliade, ainsi que tous les jours de cette semaine, une série sur l'Iliade de Homère. Évidemment, aujourd'hui en compagnie du philologue et philosophe Hans Wiesmann, auteur notamment de Pensées entre les langues aux éditions Albin Michel. Le texte que l'on vient d'entendre, cette colère, mais aussi cette demande très autoritaire de Zeus qui veut s'imposer aux autres dieux, comment faut-il la comprendre? Est-ce une sorte de préfiguration du geste de la philosophie qui voudra unifier le chaos de la mythologie ? C'est exactement le contraire, parce que justement, Zeus menace quelque chose qu'il ne va pas exécuter, au contraire. La menace sert à garder l'écart entre ciel et terre. Là où la mythologie avait placé l'origine dans cette espèce de resserrement absolu qui faisait que terre et ciel ne faisaient plus qu'un, eh bien, ici, on a affaire au résultat. Le ciel est éloigné de la terre. Et la menace de ramener la terre au ciel, ce serait la menace de ciel. C'est-à-dire la menace de la puissance originaire du même qui détruit la possibilité du multiple. Mais ça reste, reste une menace. Et au contraire, Zeus va être déchiré, comme on le sait, entre les deux options qu'il va imposer aux autres dieux comme étant de sa volonté. Il veut à la fois garantir aux Grecs la chute de Troie et en même temps protéger les Troyens contre les assauts des Grecs. Donc l'opposition, l'antagonisme se déroule en son fort intérieur. Il est déchiré, le Zeus d'Homère. Il n'y a pas d'unification possible. C'est en cela que je pense que c'est ça qu'il faut retenir. L'Iliade est l'autre versant possible de la mythologie, c'est-à-dire elle s'oppose à la philosophie comme geste d'unification systématique pour faire valoir le plus grand déchirement de toutes les forces qui s'opposent. Et la totalisation que représente cette œuvre, c'est ça la magie de la poésie homérique. Cette totalisation ne repose pas sur un concept unitaire. Au contraire, il y a d'une scène à l'autre même des contradictions flagrantes, comme si Homère voulait épuiser les possibilités d'éclairage d'un événement. Il n'y a pas de cause unique. Et Zeus, qui serait la cause la plus puissante, puisqu'il règne avec la foudre sur les autres dieux, eh bien, il est lui-même objet d'un déchirement absolu. Et faire de cela une œuvre, c'est un tout de tout ce qui ne se laisse pas réellement subsumer au tout, c'est ça la puissance de l'Iliade. Tandis que la philosophie, elle va s'emparer de la mythologie en ajoutant ce dualisme qui est la fine pointe de l'opération mythologique de mise en ordre du multiple. C'est le dualisme. Et en imposant cette espèce de coup de force qui consiste à dire que le multiple ne résulte pas de la subsomption entre des forces contraires, mâle, femelle, clair, obscur, haut, bas, ciel, terre, enfin tout ce qu'on connaît, jusqu'au cru et cuit de Lévi-Strauss, eh bien, là, ce que la philosophie cherche à faire, à savoir faire sortir le multiple de l'un, impose une toute autre démarche rationnelle, pré-scientifique, dans la mesure où les causes doivent avoir des effets univoques, il ne doit pas y avoir de troubles dans l'assignation de causalité. Tandis que dans l'univers du mythe, il y a cette espèce de diversité déroutante des causes possibles. Comme si l'Iliade mettait en scène l'ultime résistance envers cette tentative d'unification qui est présente quand même malgré nous. Et on l'envoie chez Hésiode. Voilà. Mais s'il n'y avait pas cette unification mythologique, mais qui s'arrête au dualisme originaire, eh bien, Homère ne pourrait pas jouer constamment sur le déchirement. Parce que le déchirement est inscrit dans cette opposition initiale. Et c'est dans la poitrine de Zeus que cette opposition agit en le montant contre lui-même. Tout à l'heure, peut-être une remarque sur ce texte. Il menace les dieux, s'ils désobéissent, de les jeter dans l'Hadès, et ensuite encore au-delà, dans le Tartare, et puis la description des seuils du Tartare, qui sont le tréfonds de la terre. Eh bien, tout cela, presque mot pour mot, se trouve dans Hésiode. au point qu'on a pu se dire à un certain moment que peut-être que Hésiode était carrément contemporain d'Homère ou connu d'Homère. Ce n'est pas ça. C'est que Hésiode est simplement l'héritier d'un immense effort mythologique de mise en ordre des mythes. Et dans sa théogonie, qui est une sorte d'apogée de cet effort, une espèce de réussite extraordinaire, puisque tout est absolument logique dans la manière dont les puissances divines se sont, d'une certaine manière, arrangées pour occuper chacune un fief. Et nous allons dans l'adresse à Poséidon voir que les fiefs, eh bien, les dieux y tiennent. Et ce que Zeus fait avec la foudre, c'est que il les arrête chaque fois qu'il déborde des limites qui leur sont assignées. La foudre est simplement un principe de limitation. Et le pouvoir de Zeus, c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de Zeus, on dit qu'il détient la foudre, etc. Le pouvoir de Zeus est bizarrement un pouvoir négatif. C'est-à-dire, les dieux peuvent toujours être tentés de sortir de leur royaume, qui leur est assigné en toute équité, grâce à la mythologie hésiodique. On sait que Poséidon, il est dans l'eau, on sait que, bon, tout cela est connu. Eh bien, chaque fois que les dieux, et la guerre de Troie est l'occasion pour les dieux d'outrepasser leurs prérogatives, constamment. Et Zeus les arrête. Et la foudre n'est rien d'autre que le principe qui garantit les limites. C'est en cela que la diversité est constamment préservée. Il est absolument impossible de mettre ensemble ceux qui sont apaisés dans leur concurrence uniquement parce que chacun a son fief. Oui, qui dit limite dit altérité, dit étranger, et donc diversité possible. Donc il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de communauté non plus. C'est un conflit permanent, c'est l'Iliade. Voilà. Et Zeus, il ne faut pas croire que Zeus soit en tant que chef suprême, quelque chose comme le résumé unitaire de toutes les puissances divines. Il n'en est rien. La vraie puissance de Zeus, c'est la foudre. Or, la foudre, elle est là, au fond, que pour garantir la répartition. Dans la théogonie d'Hésiode, ça s'appelle le partage de Zeus. Zeus a partagé les fiefs entre ses frères et ses sœurs pour avoir la paix. Parce que ce qui est très amusant dans la mythologie, c'est que le conflit initial entre terre et ciel se répète à chaque génération. Et Cronos, il va avaler ses enfants pour refaire l'un. Et Zeus va être le dernier de ses enfants que sa mère soustrait à son père en lui faisant avaler une pierre entourée de langes. Et c'est donc Terre qui va élever, avec le lait d'une chèvre, Zeus, dans une grotte, toujours dans une grotte, puisque le féminin, c'est le retrait, c'est la négativité du mont Ida. Et quand Zeus est suffisamment fort, il y a la titanomachie, et donc il va prendre le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que la tentation d'Uranos se précise, est-ce qu'il va maintenant faire comme son père et son grand-père, et établir un pouvoir absolu? Et c'est là que Terre va lui dire, écoute, si tu fais ça, tu vas être renversé comme tu as renversé ton père. Ne te mets pas dans cette situation. C'est une métaphore politique, hein, ce que vous êtes en train de raconter quand même. C'est la négativité dans la positivité, c'est-à-dire tu dois accepter... Et c'est les limites de la tyrannie. Tu dois accepter que le pouvoir soit partagé. Et grâce à ce partage, tu auras un pouvoir suprême qui consiste à garantir le partage. Voilà le rôle de Zeus. Et alors, juste avant d'écouter ce texte passionnant entre Zeus et Poséidon, qui d'ailleurs dans le texte ne se parle pas directement, hein, il y a la Iris au pied de vent qui vient délivrer les messages. Juste avant ça, je rebondis sur ce que vous dites, Heinz Wissmann. Comment expliquer, alors j'imagine qu'on n'a pas forcément la réponse à cette question, mais elle se pose, cette insistance du un. Vous dites dès le départ, le dieu veut redevenir un, Cronos mange ses enfants. Comme si Dieu, comme être humain, nous étions hantés par l'unité que nous voulions former, comme un surmoi que nous chercherions en permanence. Oui, et ça, c'est Cronos qui dévore ses enfants pour réduire le multiple à l'un. C'est évidemment la figure de cette tentation. Or, ce que la mythologie essaie de mettre en scène, c'est la possibilité d'ouvrir un espace qui laisse l'antagonisme intact. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'instinct humain qui le porte vers l'unité. Et c'est les enfants qui veulent, enfin le fils veut prendre la place du père. Et il y a toujours cette tentation de prendre le pouvoir absolu. Or, le pouvoir absolu, et ça, les critiques de la philosophie s'appuient jusqu'à Schopenhauer, etc., sur cette idée. Eh bien, la prise du pouvoir par les philosophes passe par l'affirmation du pouvoir de l'un. C'est pour ça que l'un s'appelle commencement et commandement. C'est-à-dire toute la chaîne des événements qui vont se produire dans la cosmogonie, etc., chez les philosophes, se commande à partir de cette espèce de commencement. D'ailleurs, en latin, c'est le prince. Le principe, ce principium, prince, c'est toujours la même idée, c'est l'aîné, et dans les textes homériques. Il y a toute une partie de l'histoire de la philosophie qui remet en question cette suprématie. Mais la philosophie fait son autocritique dès le début. Moi, je soutiens dans Pensée entre les langues que le disciple de Thalès, Anaximandre, à qui on doit une phrase célèbre selon laquelle, à l'origine, il y avait l'indistinct, et là, il prend le contre-pied radical de l'affirmation de Thalès, selon laquelle, à l'origine, il y avait l'un. Or, l'indistinct, indistinct en grec, apeiron, ça veut dire sans cloisonnement, c'est-à-dire sans limite qui cadre. Ou indéfini, c'est-à-dire indélimité. C'est indélimité, puisque les limites sont ce qui fait qu'on peut connaître. Alors, la philosophie naît avec sa propre contradiction. Mais là, ça se joue plus comme dans la mythologie entre deux puissances antagonistes. Là, ça se joue entre l'un et le multiple radical. Et l'atomisme de Démocrite, eh ben, c'est le multiple radical monté contre l'unité des Éléates, comme Parménide, l'unité de l'être qui est représentée comme une sphère, partout égale à elle-même. Et donc, au sein de la philosophie, se répète le conflit mythologique. Bon, on va reprendre le fil de l'histoire de la philosophie. Après, écoutons ce texte formidable, le chant 15 de l'Iliade. Zeus qui s'adresse à Poséidon et Poséidon qui rétorque à Zeus par le biais donc de la vive Iris. Le texte est lu par Georges Clès. Mets-toi en route, rapide Iris. Au seigneur Poséidon, annonce chacune de ces choses sans faire de fausses annonces. Commande-lui de cesser combats et batailles et de rejoindre les tribus des dieux ou l'eau de la mer divine. S'il ne veut pas obéir à ces mots, mais les compte pour rien, qu'il pense dans son esprit et dans son cœur à ne pas, malgré sa puissance, entreprendre de résister à mon assaut, car je prétends le surpasser de beaucoup par la force et le devancer par la naissance. Mais son cœur n'est pas troublé de parler en égal avec moi, qui en terrifie d'autres. Zeus dit cela, et la vive Iris au pied devant ne désobéit pas. Et l'illustre dieu Poséidon, qui secoue la terre, lui dit, très indigné, « Malheur ! Malgré sa valeur, il a parlé avec arrogance. Puisque moi, qui ai honneur égal, il veut me contenir de force malgré moi. Car nous sommes trois frères nés de Cronos, que Rhea a mis au monde. » Zeus et moi, et en troisième, Hadès, qui règne sur ceux d'en bas. Toutes choses ont été partagées en trois. Chacun a eu son lot d'honneur. Moi, j'ai gagné d'habiter pour toujours la mer grise une fois les sorts agités. Hadès a gagné les ténèbres brumeuses. Zeus a gagné le vaste ciel dans l'éther et les nuages. La terre, quant à elle, est commune à tous, ainsi que le grand Olympe. Aussi, je ne vivrai pas selon le cœur de Zeus, mais que tranquille, malgré sa force, il reste dans le troisième lot qui est le sien. Que jamais il ne cherche à m'effrayer avec ses bras comme si j'étais vil. Il aurait plus de profit à attaquer ses filles et fils de mots terrifiants, puisqu'il les a engendrés lui-même, pour qu'ils entendent ses commandements, même contraints. Ce texte pourrait être celui d'un marquage de territoire entre deux frères. Hein. À l'un revient l'eau, à l'autre le feu. Mais en réalité, ils sont trois, Heinz Wittmann. Ce qui complique la donne, ce n'est pas simplement un affrontement entre deux forces antagonistes. Il y en a trois, donc la question de l'unité est encore plus compliquée. Il y en a même plus. puisqu'il y a Héra, les dieux, même Aphrodite, elle règne sur un fief qui est évidemment immatériel, puisque ce sont les affects amoureux. Non, tous les dieux ont leur honneur. En grec, le fief se dit honneur, timé. Et Zeus ne veut pas les dépouiller de leur territoire, il veut les contenir dans leur territoire. Et donc c'est un intérêt supérieur de préservation de la distribution juste des fiefs qui commandent l'action de Zeus. Quand Poséidon lui dit « mais alors tu t'en prends à moi, mais que chacun reste chez soi », c'est extraordinairement ironique, dans la mesure où Zeus ne lui demande que cela, reste oui. chez toi. Et donc, quand on lit la Théogonie d'Hésiode, où tout cela est déduit donc de cette histoire malencontreuse où le fils va toujours vouloir faire comme le père, et au terre dit au dernier, à Zeus, écoute, fais pas comme ton père, partage et veille simplement avec la foudre que je t'ai donnée, veille simplement à ce que personne ne quitte sans ta volonté son territoire. Et donc, cette adresse à Poséidon, c'est extraordinairement ironique quand on réfléchit, parce qu'il ne lui dit pas autre chose que de rester chez lui, et il le confirme dans ses prérogatives. La réalité, c'est que Zeus n'a pas un pouvoir qui s'apparente à la positivité d'un territoire. Lui a la capacité de garantir l'ordre, où toutes les puissances divines se trouvent donc parquées d'une certaine manière. Or, dans la Théogonie d'Hésiode, si je peux ajouter ça, il y a un passage absolument extraordinaire qui s'appelle l'hymne à Hécate, où Hésiode raconte que Zeus s'ennuie, parce qu'une fois qu'il a réparti les fiefs et que son rôle s'est réduit à faire respecter les limites des territoires, il n'a plus rien à faire à lui. Il est d'une certaine manière privé d'initiative. Il ne peut plus s'emporter. D'où la guerre de Troie, c'est ça ? Et donc la guerre de Troie est une extraordinaire possibilité pour Zeus de jouer avec ses propres contradictions. Puisqu'il change d'avis. Il soutient tantôt les Grecs, tantôt les Troyens. Exactement. Et donc, ce qui est si intéressant, c'est que dans l'hymne à Hécate, c'est la lune, hein, qui tantôt est pleine, tantôt disparaît, etc. C'est donc l'irrégularité du devenir et le contraire de l'ordre de Zeus. Et donc Zeus, il a une sorte d'amour étrange pour cette déesse qui incarne simplement l'abondance gratuite et la disparition, involontaire. Il y a des exemples, grâce à elle, on peut attraper beaucoup de poissons, ensuite le filet se rompt et on perd tout, enfin ce genre de choses. Et Zeus est absolument séduit par ça, et pour moi, l'Iliade, d'une certaine manière, est la mise en scène, mais extraordinairement diversifiée, de cet amour que Zeus, le pacificateur, a pour le dépassement de toute borne. Parce qu'Hécate, c'est la déesse du dépassement des bornes. Seulement, Zeus ne peut pas avouer aux autres dieux qu'il est animé du même désir qu'eux, d'outrepasser ses prérogatives, puisque sa prérogative, c'est de garantir les limites. Et du coup, il doit monter en lui-même cette espèce de tension qui fait qu'il y a de la vie. Et c'est en cela que l'Iliade est d'une certaine manière la traduction de toutes les possibilités passionnelles de la vie. Cette opposition, on la retrouve aussi dans la description qui est faite des Troyens et des Grecs de l'autre côté. Je propose qu'on écoute une description de ces deux peuples qui se battent. Leurs armées ne se ressemblent pas. Les Achéens sont muets, dociles, et les Troyens paraissent désordonnés et parlent plusieurs langues. Voilà qui sera sans doute intéressant pour vous, Heinz Wissmann. Écoutez, c'est une lecture de Guy Moigne. Sur la rive sonore, la houle de la mer, en vagues pressées, bondit au branle de Zéphyr. Elle se soulève au large d'abord, puis s'en vient briser sur la terre, dans un immense fracas, dressant sa crête en volute autour de chaque promontoire et crachant l'écume marine. Tels, les bataillons d'Anaïens, en vagues pressées, sans trêve, s'ébranle vers le combat. Chacun des chefs encourage sa troupe, et celle-ci marche en silence. On ne croirait jamais qu'ils aient derrière eux une aussi grande armée avec une voix dans chaque poitrine. Ils sont muets, dociles à des chefs redoutés. Sur tous étincellent les armes scintillantes qu'ils ont revêtues pour rentrer en ligne. Les Troyens, au contraire, ressemblent aux brebis que l'on voit, innombrables, dans l'enclos d'un homme opulent quand on trait leur lait blanc et que, sans répit, elles bêlent à l'appel de leurs agneaux. Pareille est la clameur qui monte de la vaste armée des Troyens. Tous n'ont pas même accent ni semblable parler, les langues sont mélangées, ce sont gens venus de tant de pays. Bientôt ils se rencontrent, et les voilà aux prises, heurtant leurs boucliers, leurs piques, leur fureur de guerrier à l'armure de bronze. Les écus bombés entrent en contact, un tumulte immense s'élève, gémissements et clameurs de triomphe montent à la fois, les uns tuent, les autres sont tués. Des flots de sang couvrent la terre, tels des torrents des vallons du haut des montagnes au confluent de deux vallées réunissent leurs eaux puissantes, jaillies de sources copieuses dans le fond d'un ravin creux, et le berger dans la montagne en perçoit le fracas au loin. Telles sont les clameurs, l'épouvante qui sortent de cette mêlée. Si la description d'Homère ne suffisait pas, voici la précision par 3, la bande originale du film 3, où on entend effectivement des giclements de sang et des épées qui transpercent le corps. Pour les plus littéraux, on va dire, d'entre vous, alors Heinz Wissmann, la description qui est faite de ces deux armées opposées, en particulier celle de 3, rappelle la tour de Babel, hein, c'est comme si toutes ces langues qui n'arrivaient pas à s'unifier, et que là aussi était le conflit initial. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, en mythologie, il y a le conflit entre le même et l'autre. Le même, c'est ciel, l'autre, c'est terre, on l'a suffisamment dit. Eh bien, ça se rejoue à tous les niveaux. C'est ça. Et l'armée des Achéens, des Grecs, est caractérisée par le respect accordé au même. Un chef, et d'ailleurs, il y a la phrase célèbre qu'on trouve dans la bouche d'Ulysse, « Un seul soit chef ». Heis koiranos estai. Ça, c'est la phrase clé de cet univers. Et de l'autre côté, le joyeux désordre. Et vous avez exactement le même problème entre la langue adamique, qui est la langue une pour tous, et ce qui se passe une fois que cette unité de langue a tenté les êtres humains à vouloir monter jusqu'au ciel, si on suit ce récit, eh bien, du coup, la punition, c'est la diversification des langues. Il y a toujours ce petit jeu, et ça, c'est le mythe. Le mythe fait toujours jouer le même contre l'autre. Ou l'autre qui vient provoquer le même, parce que quand même, il y a des suscités, parce que Paris va enlever Hélène. Oui, bien sûr. C'est le Troyen qui vient s'immiscer dans le monde grec. Et alors, pour qu'on comprenne bien cette histoire des fiefs, de la répartition des honneurs que Zeus accorde à ses frères et à sœurs sur les conseils de terre, c'est que c'est une manière de contenir le divers dans les limites du même sans imposer l'uniformité. Et c'est un stratagème politique. Mmh. Or, c'est ce stratagème politique qui, à la fin de la Théogonie, garantit la paix entre les dieux, emmerde Zeus. Il est, d'une certaine manière, il vit dans l'ennui, parce qu'il n'y a plus de conflit. Tout ce qu'il fait, il les arrête chaque fois qu'il déborde. Ben, c'est ingrat comme opération. Il voudrait avoir, lui, l'initiative. Il voudrait faire. Donc, du coup, il décide une chose et il décide le contraire. Et il se met en tension lui-même, ce qui fait qu'il est à la fois le même et l'autre. Et ça va se matérialiser dans l'image de la balance, où Zeus semble se soumettre au jeu aléatoire d'une balance, comme si les choses n'étaient pas réglées une fois pour toutes. Non, elles sont soumises à un balancement. Et c'est l'espace de ce balancement qui est entièrement rempli par les clameurs de l'Iliade. C'est le balancement qui s'ouvre dans la poitrine de Zeus, si j'ose dire. Mon cœur balance, dit-on. eh ben, son cœur balance, tantôt pour les Grecs, tantôt pour les Troyens. Et la balance devient l'emblème de cette espèce d'auto-déchirement de Zeus. Et donc, dans l'Iliade, on a l'exact inverse de la philosophie, avec tous les éléments théoriques que la mythologie a fournis aux uns et aux autres, aux philosophes comme aux poètes homériques. Mais c'est absolument antagoniste. On ne peut pas dire que la philosophie s'appuie sur l'Iliade, et on ne peut pas non plus dire que l'Iliade emprunte quelque chose à la philosophie. Leur fond commun, c'est la mythologie. Seulement, la mythologie n'est pas traitée de la même manière par les philosophes, qui réduisent le dualisme à l'un, et par l'Iliade, qui multiplie à l'infini les diversités, les points de vue, les impacts, les causalités. Et ça monte jusqu'à Zeus, qui balance lui-même entre deux options opposées. Est-ce qu'on peut opposer de manière schématique la mythologie et la philosophie comme le désordre, le chaos, à la raison? Au fond, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas le désordre, c'est le dualisme. Mais la c'est... raison? Parce que finalement, ce que vous dites entre la différence entre la mythologie et la philosophie, la philosophie choisit la voie unifiée, le 1, mais c'est aussi un certain ordre, une certaine logique. La balance de Zeus symbolise aussi une hésitation, et s'en remettre dans les mains du hasard, il décide avec la balance pour voir, mais c'est pas le fruit d'une délibération. Or, l'histoire de la philosophie se construit autour de choix raisonnés ou rationnels. Non, mais si Zeus met en scène ses propres hésitations à l'aide de cette balance, c'est qu'il joue avec les rôles assignés par les deux principes antagonistes que sont le même et l'autre. Lui veut absolument pas être l'un ou l'autre. Il est les deux. Mmh. Et donc, c'est comme un champ de tension dans lequel lui trouve son compte, parce que dans l'univers pacifié où le divers est reconnu, mais dans des limites qui se limitent mutuellement, si j'ose dire, ce n'est pas le divers absolu. Ce n'est pas non plus la dialectique, ce qu'on appellera plus tard la dialectique. Ce n'est pas la dialectique, c'est la juxtaposition de prérogatives différentes qui fait que finalement c'est un univers apaisé, où il suffit de contenir l'élan des uns et des autres qui outrepassent leurs droits. Mais ça, c'est un rôle purement négatif. Zeus veut aussi être acteur de son histoire. Et du coup, il déclenche en lui-même ce qu'exprime si joliment l'expression « mon cœur balance ». Et il joue avec. Et l'Iliade, c'est la démultiplication de tous ces renversements. C'est l'optique sous laquelle un événement est raconté dans l'Iliade est régulièrement inversé. Et ça se produit au niveau donc, des deux armées, mais ça se produit aussi pour Achille lui-même, qui est en colère, mais en même temps, il est le sauveur des Grecs. Et d'une certaine manière, il est pris lui aussi dans une logique de partage. Si je puis terminer par ça, c'est extrêmement intéressant que la scène initiale de l'Iliade, c'est une scène de partage de butin. C'est la réplique de ce que Zeus a fait avec ses frères et ses sœurs. Et ce qui pacifie les rapports entre les chefs, c'est que chacun a son honneur au sens donc de sa part. Eh bien, lorsque Agamemnon, faux Zeus, je suis le vrai chef des armées, etc. C'est un faux Zeus. Quand Agamemnon s'arroge le droit d'enlever à Achille la part qui lui était revenue. C'est-à-dire une femme, hein, quand vous parlez de butin et de part. En plus, là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Eh bien, la colère d'Achille, c'est quelque chose de cosmique, dans la mesure où l'ordre même de l'univers est atteint par cette espèce de geste qui bafoue l'ordre de Zeus, puisque l'ordre de Zeus, c'est la répartition entre les uns et les autres qui garantit immédiatement cet apaisement. Alors, la chose intéressante, c'est qu'en allemand, si je puis me permettre, en allemand, le partage primitif se dit « Urteil ». C'est-à-dire le mot « jugement »,« Urteil », jugement d'attribution, fait allusion à la scène, au sens de Benveniste, à la scène primitive du partage du butin. Or, le butin se dit dans toutes les langues germaniques « digne ». Tandis que la chose, qu'on a, que la chose en français, eh bien, se dit « Sache ». Et donc, on a beaucoup de mal, quand on dit chez Kant la chose en soi, c'est pas la chose en soi, c'est des Sache, non, c'est das Ding an sich. Or, Ding, c'est cette unité compacte du butin qu'il s'agit de partager. Et le partage se dit Urteil. Et c'est extraordinaire de se dire que la scène initiale de l'Iliade permet aussi de penser tout ce qui est impliqué dans les opérations intellectuelles de la philosophie, à savoir les jugements d'attribution doivent respecter l'identité entre le sujet et son attribut. Et son attribut, donc c'est déjà aussi une histoire de propriété quand même, de territoire, mais de propriété. D'ailleurs, le mot propriété, c'est la propriété, la qualité d'une chose. Mm. Et donc, je pense qu'il y a dans cette espèce de parallélisme qui apparaît après la mythologie entre la philosophie et l'Iliade, enfin les poèmes homériques, il y a le panorama entier de nos options intellectuelles, quelles qu'elles soient. On va entendre, parce que vous l'avez annoncé et que vous êtes comme Zeus dans cette émission, c'est vous qui décidez, hein, qui décidez des limites. Votre foudre a annoncé les textes sur la balance. En voici deux extraits. Le premier dans le chant 8, hein, la guerre fait rage entre les Troyens et les Grecs. Et Homère raconte ce qu'il se passe et Zeus va décider du sort des armées à l'aide de sa balance. Et puis plus tard, au chant 22, également cette fois-ci, c'est Achille qui est en train de poursuivre Hector autour des murs de la cité pendant plusieurs tours. Et là, de même, eh bien, Zeus va sortir sa balance d'or pour peser les destinées des deux guerriers. Deux textes, notre cœur ne balance pas, mais voici les deux. Tant que c'était l'aurore et que grandissait le jour sacré, les traits des uns et des autres touchaient, les hommes tombaient. Mais quand le soleil enjamba le milieu du ciel, le père déploya les plateaux d'or d'une balance. Il y mit deux démons de la mort longuement douloureuse. L'un des Troyens, maître des chevaux, l'autre des Achéens, au manteau de bronze. Il la prit par le milieu, la leva, et le jour destiné aux Achéens pencha. Les démons tueurs d'Achéens s'appuyaient sur la terre qui nourrit d'abondance. Ceux des Troyens se levaient vers le vaste ciel. Lui, depuis l'Ida, fit grand vacarme, et brillante envoya une lumière dans l'armée des Achéens. À la voir, ils furent étourdis, et tous, la peur livide les saisit. L'éclatant Achille fit à ses hommes non de la tête. Il ne les laissait pas lâcher leurs traits amers sur Hector. Qu'aucun, le frappant, ne gagne la splendeur quand il viendrait en second. Mais, lorsqu'ils arrivèrent la quatrième fois aux fontaines, alors le père déployait les deux plateaux d'or d'une balance. Dedans, il mettait deux démons de la mort qui fait souffrir longtemps. L'un pour Achille, l'autre pour Hector, maître des chevaux. Il la soulevait par le milieu, et le jour du destin d'Hector penchait et partait vers l'Hadès. Phoïbos, Apollon, l'abandonna. C'est amusant, Heinz Winsmann, de voir que ce qui est devenu ensuite le symbole de la justice, la balance, est ici au contraire un instrument qui vient signifier le hasard, l'indécision. On ne sait pas trop entre les mains de qui la balance pèse. Enfin, la balance a deux bras. Et donc, en toute mythologie, il y a deux options, le même et l'autre. Et la balance figure cette espèce d'oscillation qui fait qu'on ne sort pas de l'univers tel qu'il a été défini par le dualisme originaire. le haut s'oppose au bas. Et là, même ici, c'est intéressant que quand la balance se penche vers le bas, eh bien, le bas, c'est la terre, sous la terre, c'est l'Hadès, il y a le royaume des morts, et dessous, il y a le Tartare. Tout, le bas, c'est l'obscurité. Eh bien, le bras qui se lève vers le ciel va vers la lumière. Il y a toutes ces connotations qui jouent et qui sont d'origine mythologique. Le feu, la clarté, l'éclat, etc., s'opposent à cette espèce d'histoire sombre de la mort. Et pour nous, ça va tellement de soi d'assimiler ce qui est noir ou ce qui est dérobé au regard à une forme de malheur. Mais ça vient de cette opposition entre deux puissances qui peuvent s'incarner dans le mâle et le femelle, dans le doux et l'amer, qui peuvent s'incarner selon les civilisations, le yin et le yang. Ça peut devenir Ahriman et Hormuz chez les Perses. Je veux dire, la mythologie, c'est un puissant système de pensée, mais dualiste. Alors que la philosophie, et c'est pour ça qu'il y a de philosophie que depuis les Grecs. Il y a de la pensée partout, en Inde, etc. Mais la philosophie, au sens technique du terme, est indissolublement liée à cette espèce de mise au sommet d'un principe unique, avec tous les problèmes que ça va ensuite engendrer. Eh bien, nous allons rebaptiser, après votre passage, Anne Wiesmann, cette émission, les chemins de la mythologie. C'est plus approprié à la manière que nous avons d'envisager la pensée. Un grand merci à vous d'être venu nous parler d'Homère aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs, notamment à votre ouvrage « Penser entre les langues », où on retrouve beaucoup des thèmes que vous avez esquissés aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Les Grecs ne veulent pas des Troyens, interprété par The Eagles, ça donne « The Greeks don't want no freaks » sur France Culture. Mais oui, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo, présenté aujourd'hui par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous allez nous accompagner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même jusqu'en janvier. Je suis très très heureuse. Et alors, pour cette première chronique, avant de vous dire de quoi j'aimerais vous parler, je voulais vous lire un extrait du Maître et Marguerite de Bulgakov. « Mais dites-moi, pourquoi Marguerite vous appelle-t-elle maître ?» demanda Voland. L'autre sourit et dit « C'est une faiblesse bien pardonnable. Elle a une trop haute opinion du roman que j'ai écrit. » « Un roman sur quoi ?»« Un roman sur Ponce Pilate. » Sur quoi, sur quoi, sur qui, dit Voland, cessant de rire. À notre époque, c'est ahurissant. Et vous n'avez pas pu trouver un autre sujet? Faites voir ça. Malheureusement, cela m'est impossible, répondit le maître, parce que je l'ai brûlé. Excusez-moi, mais je ne puis vous croire, répliqua Voland. Cela ne se peut pas. Les manuscrits ne brûlent pas. Cette phrase, les manuscrits ne brûlent pas, est devenue l'une des citations les plus connues de l'auteur. Elle a été largement reprise et commentée par un tas d'écrivains et de philosophes. À y regarder de plus près, et comme souvent dans l'œuvre de Bulgakov, la phrase présente plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture est politique. Il renvoie à la censure qui régnait alors en URSS. Dire « les manuscrits ne brûlent pas » est une manière de dire que le refus de publier des œuvres, leur saisie systématique, les autodafés, rien ne peut empêcher les œuvres d'exister, car rien ne peut empêcher la liberté de conscience des hommes, même dans un régime totalitaire. Le deuxième niveau de lecture est évidemment lié au premier, mais il est beaucoup plus métaphysique. Dire « les manuscrits ne brûlent pas », c'est dire que même si les œuvres disparaissent, la mémoire collective s'en empare. Elles sont répétées et transmises par la parole et constituent une sorte de répertoire vivant et immatériel de l'humanité. J'entends ce que vous dites, Anastasia, mais alors, où voulez-vous en venir ? Eh bien, voilà. Vous avez dû, comme moi, découvrir il y a quelques jours les images absolument terrifiantes du musée national de Rio de Janeiro, ravagé par les flammes. Le 2 septembre, vers 19h30, un incendie phénoménal s'est déclenché dans l'un des plus anciens musées du Brésil, emportant sur son passage les quelques 20 millions d'objets qu'il abritait. Squelettes de dinosaures, momies égyptiennes, éclats de météorites, masques mortuaires, bijoux, costumes et j'en passe. Depuis une semaine, le Brésil est en deuil et le monde entier pleure la disparition de ces pièces irremplaçables. Comme tout le monde, je suis allée voir cette vidéo qui donne l'impression d'une préfiguration de la fin du monde et qu'on assimile d'ailleurs tout de suite à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie dans les premiers siècles de notre ère. En regardant ces images, cette citation de Bulgakov m'est tout de suite venue à l'esprit. Bien sûr, l'événement est terrible, mais, et je me le suis répété plusieurs fois pour essayer de me convaincre, les manuscrits, les œuvres ne brûlent pas. Elles font partie de notre panthéon. Elles sont décrites, renseignées et transmises de bouche à oreille par ceux qui ont pu les fréquenter toutes ces années. Et puis hier, en me réveillant, je suis tombée sur un article de Slate racontant comment, quelques jours après l'incendie, des étudiants en muséologie d'UNIRIO, l'Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro, ont commencé à partager des photos qu'ils avaient pu prendre dans le musée. Ils ont ensuite même décidé de lancer un immense appel sur les réseaux sociaux afin que toutes les personnes qui avaient pu photographier les œuvres maintenant disparues les envoient afin d'en garder une preuve numérique. Quelle initiative ! Bien sûr, c'est magnifique. Les étudiants racontent que rapidement d'ailleurs, ils ont commencé à recevoir des milliers de photos et vidéos du monde entier. En découvrant ça, je me suis dit que je ne serais plus jamais en colère contre les touristes qui passent leur temps à prendre des photos dans les musées au lieu de regarder les œuvres. Enfin, plus jamais, on verra. Mais pendant un temps au moins. Surtout, ce que je me suis dit, c'est que les temps ont bien changé. La mémoire immatérielle des œuvres a laissé place à la mémoire virtuelle. Est-ce qu'il faut le déplorer ? Je ne pense pas. Seulement, j'ai eu peur tout d'un coup que cette nouvelle possibilité nous éloigne de l'effort d'imagination et de récit, qui constitue la condition sine qua non de la transmission d'une culture, transmission qui est au fondement de la civilisation. J'ai eu peur tout d'un coup que les gens pensent que les œuvres périssent vraiment et que la seule existence d'une photographie les rassure. Espérons que non. Voilà un troisième niveau de lecture que Bulgakov, dans son génie, a dû anticiper. Merci Anastasia Colosimo. On mettra en ligne sur le site du journal de la philo peut-être les liens justement qui renvoient vers ces images. Votre chronique en tout cas est à réécouter sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Morgane Danan qui est à la prise de son aujourd'hui et Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'Iliade de Homère. Demain, nous serons en compagnie de l'helléniste Hélène Monsacré qui a déclenché la guerre de Troie, comme vous le savez, en tout cas elle porte le même prénom. Et demain, elle viendra réfléchir sur les questions du masculin et du féminin dans l'Iliade. En se posant la question, les larmes dans l'Iliade ont-elles un sexe ? Tout un programme. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible et c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. À midi sur France Culture, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesper, mais il est 11h. Et 11h, c'est l'heure de Culture Monde par Florian Delorme.